restons un peu en Irlande, ou plutôt un peu plus au nord encore. Sur la chaussée des géants, j'ai trouvé une écharpe, emportée par le vent. Un joli petit village, une jolie petite plage, une église avec des tombes qui penchent. Un jour j'irai faire un tour de l'autre côté de la colline pour voir s'il y a des pubs, des endroits pour s'asseoir et pour boire. Pour voir s'il y a l'océan ou quelques éléphants évadés du cirque de nos pensées. Histoire de se balader, histoire de se trimballer. On colorait le Mossad d'une pluie anglo-saxonne. Plus aucun nuage. Chauffeur de taxi chante l'accent sud-irlandais et c'est presque la fin. La fin. Et me voilà avec tout ce que j'aurais voulu faire, tout ce que j'aurais voulu dire et tout ce que je garderais. Je garderai l'odeur et le goût de la bière, la couleur de l'or noir du trèfle rond et fier. Je garderai ces verres volés pour mon père, pour boire à la santé d'une année salutaire. Je garderai aussi le vertige des falaises, la beauté de la mer, des lacs et des collines. J'entretiendrai le feu, je garderai les braises de ces paysages vierges, tristes, libres et dignes. Je garderai la pluie cachant celle de mes yeux et tous ces parapluies morts au combat du vent. Les trottoirs comme cimetière, théâtre de tant de jeux pour dire c'était le bon temps. Souviens-toi, ce sale temps. Je garderai les accents qui font vibrer la langue, qui la fait vivre encore et que l'on s'approprie. Quand pendant un instant nos phrases se cherchent et tanguent avant même se trouve un peu surpris. Je garderai leurs adresses, téléphones et regards, et quelques mots pour eux en accord avec ma guitare. Je garderai tendresse, déconne et puis l'espoir que nos belles promesses ne partent pas comme le phare. Je garderai ces rues que je connais maintenant. Je garderai ces murs, je garderai ces moments où je n'étais plus sûr, où j'en perdais mes gants. Je garderai les blessures, je garderai les pansements. I'll keep the who cares, only the matter of flavor. I'll keep the lap dance that we won't do, sorry. I'll keep this jam that we had to be. I'll keep the silence just after the movie. I'll keep the road trips we used to go sunny. I'll keep my girl's lips and I will keep the sheep that we met on the road, and fish and chips with scarlet we ate on the road before taking a rest. I'll keep where I come from, I'll keep where I'm going, against tide and storms. I'll keep my happy spleen, my happy spleen. Merci beaucoup. Merci.